Chapitre 11e. Adeline, dans la compagnie de personnes aussi chéries, ne tarda pas à se défaire de cette mélancolie que lui avait causée le sort de son père. Elle recouvra toute sa vivacité naturelle, et quand elle eut quitté les habits lugubres que sa piété filiale lui avait fait prendre, elle donna sa main à Théodore. La cérémonie du mariage, célébrée à sa mort, fut honorée de la présence du comte et de la comtesse D. Et la Luc eut le bonheur d'assurer, le même jour, les flatteuses destinées de ses deux enfants. Lorsque la cérémonie fut terminée, il les bénit et les embrassa tous avec les larmes de l'amour paternel. « Je te rends grâce, ô grand Dieu, dit-il, de m'avoir permis de voir cette heure-ci. Quand il te plaira de me rappeler de ce monde, je le quitterai sans regret. » « Puissiez-vous vivre longtemps pour bénir vos enfants ? » répliqua Adeline. Claire baisa la main de son père et pleura. « Oh oui, longtemps » répéta-t'elle d'une voix presque éteinte. La Luc sourit d'un air de complaisance et tourna la conversation vers un sujet moins touchant. Cependant, le temps s'approchait où la Luc jugeait nécessaire de retourner aux devoirs de sa paroisse, dont il avait été si longtemps absent. Mademoiselle La Luc, qui l'avait soignée à Montpellier pendant sa maladie et qui depuis était retournée en Savoie, se plaignait aussi de la solitude à laquelle elle était réduite, et c'était pour son frère un nouveau motif de hâter son départ. Théodore et Adeline, qui ne pouvaient supporter l'idée de se séparer de ce vénérable parent, s'efforcèrent de lui persuader d'abandonner son château et de vivre en France avec eux. Mais il était fortement attaché à Leloncourt. Depuis plusieurs années, il faisait la consolation et le bonheur de ses paroissiens. Il le respectait et l'aimait comme un père. Il les regardait comme ses enfants. L'attachement qu'il lui avait témoigné le jour de son départ n'était pas non plus oublié. Il avait fait une grande impression sur son esprit, et il ne pouvait soutenir l'idée de les abandonner au moment où le ciel venait de le combler de ses bienfaits. « Il est doux de vivre pour eux, dit-il, je veux aussi mourir au milieu d'eux. » Un sentiment d'une nature encore plus attrayante, que le philosophe incrédule ne lui donne pas le nom de faiblesse, et que l'homme du monde ne le regarde pas comme impossible, un sentiment plus tendre encore l'attirait à Leloncourt, c'est que les restes de son épouse y reposaient. La Luc ne voulant pas rester en France, Théodore et Adeline, pour qui les plaisirs variés et tumultueux que Paris offrait étaient inférieurs aux plaisirs domestiques et à la compagnie choisie de Leloncourt, résolurent de l'accompagner avec M. et Mme Verneuil. Adeline arrangea ses affaires de manière à pouvoir se passer de résider en France, et après avoir pris un congé affectueux du comte et de la comtesse D, ainsi que de M. Amand, qui avait recouvré un peu de sa gaieté ordinaire, elle partit avec ses amis pour la Savoie. Les sourires les plus délicieux se précipitaient sur le visage de Claire à mesure qu'elle s'approchait des scènes chéries des plaisirs de son enfance, et Théodore, regardant souvent à la portière, voyait avec un enthousiasme patriotique les paysages magnifiques et variés qu'offraient successivement les différentes montagnes. Il était tard lorsqu'ils arrivèrent à quelques milles de Leloncourt, et la grande route, tournant autour d'une roche escarpée, leur offrit la vue du lac et de la paisible habitation de la Luc. Une exclamation de joie de toute la compagnie annonça cette découverte, et un rayon de plaisir étincela dans tous les yeux. La Luc félicita sa famille sur son heureuse arrivée dans ses foyers, et remercia en silence l'être suprême de lui avoir permis d'y retourner ainsi. Adeline continua de contempler ces objets bien connus, et réfléchissant aux vicissitudes de chagrin et de plaisir qu'elle avait éprouvées depuis qu'elle les avait vus, au changement merveilleux de sa condition, son cœur s'épanouissait de plaisir et de reconnaissance. Elle regardait Théodore, qu'elle avait pleuré dans ces mêmes lieux comme perdu pour toujours, qui, lorsqu'elle l'avait retrouvé, avait été sur le point de lui être arraché par une mort ignominieuse, mais qui maintenant était assis à ses côtés, à l'abri de tout danger, et son époux chéri, la gloire de sa famille et la sienne. Et tandis que les larmes qui coulaient de ses yeux exprimaient la sensibilité de son cœur, un sourire de tendresse au-dessus de toute expression lui faisait connaître les sensations qu'elle éprouvait. Il lui serra doucement la main et il répondit par un regard plein d'amour. Pierre, qui s'avança alors en galopant près de la voiture, le visage rayonnant de joie et avec un air d'importance, interrompit une série de sentiments devenus pour ainsi dire trop intéressantes. « Ah, mon cher maître, s'écria-t-il, soyez le bienvenu encore une fois dans votre pays. Voici le village, Dieu le conserve. Il vaut 1 million de paris. Grâce soit rendue à Saint-Jacques, nous sommes tous arrivés sains et saufs. » Cette effusion de joie de la part de l'honnête Pierre fut reçue avec le retour qu'elle méritait. À mesure qu'ils s'approchèrent du lac, ils entendirent le son de la musique prolongée par les eaux et aperçurent bientôt une grande troupe de villageois assemblés sur le vert gazon qui descendait jusqu'au bord du lac, revêtus de leurs habits des dimanches et dansant ensemble. C'était la soirée d'un jour de fête. Les vieillards étaient assis à l'ombre des arbres qui couvraient cette petite éminence, mangeant du lait et des fruits, et regardant sauter leurs fils et leurs filles au son du tambourin et de la musette, auxquels se joignaient les sons les plus doux de la mandoline. Pierre parut le premier. Il fut aussitôt environné d'une foule de ses compatriotes qui, apprenant que leur bien-aimé pasteur approchait, coururent au-devant de lui. Leurs vives et sincères expressions de joie remplirent le cœur de la Lugue de la plus douce satisfaction. Il les reçut avec la tendresse d'un père et ne put s'empêcher de répandre des larmes à cette marque de leur attachement. Quand les jeunes paysans et paysannes eurent appris son arrivée, la joie devint si générale que, conduits par le tambourin et la musette, ils dansèrent devant la voiture jusqu'au château où ils l'accueillirent de nouveau, lui et sa famille, par les airs les plus gais. Il fut reçu à la porte du château par Mademoiselle la Lugue, et jamais compagnie ne se revit avec plus de contentement. Comme la soirée était superbe, on soupa dans le jardin. Quand le repas fut fini, Claire, dont la joie était au comble, proposa de danser au clair de lune. « Cela serait délicieux, dit-elle. Les rayons de la lune tremblent déjà sur les eaux. Voyez quel courant de lumière ils répandent à travers le lac et comme ils brillent autour de ce petit promontoire à gauche. La fraîcheur de la nuit invite également à la danse. » Ils consentirent tous à sa proposition. « Et qu'on fasse aussi entrer les bonnes gens qui nous ont si bien accueillis, dit la Lugue. Ils partageront tous notre bonheur. Il y a de la religion à rendre les autres heureux, et la reconnaissance doit nous rendre dévots. Pierre, apportez plus de vin et mettez des tables sous les arbres. » Pierre vola, et tandis que l'on plaçait des chaises et des tables sous les arbres, Claire alla chercher son luth favori, le luth qui lui avait autrefois causé tant de plaisir et dont Adeline avait souvent tiré des expressions mélancoliques. La main légère de Claire parcourut toutes les cordes et en tirant des sons pleins de tendresse, elle chanta l'air suivant. Stance. Lorsque la lune épanche un doux rayon, lorsque dans l'air le sylphe se balance, quand la forêt, le lac et le vallon sont endormis dans un vaste silence, lorsque du soir les zéphyrs expirant dans les pensées plongent une âme tendre, lorsqu'elle voit sans prestige errant que la musique alors se fasse entendre, frappez, frappez le tambourin joyeux, ouvrez le bal, suivez vos coryphées, sous les berceaux du bois mystérieux, mêlez-vous pas à la danse des fées. Au clair de lune, en des moments si beaux, que la musique est transporte et captive, comme ces sons prolongés sur les eaux ont égayé les échos de la rive. Pierre, dont le zèle était extrême, avait déjà mis des rafraîchissements sous les arbres, et en peu de temps la pelouse fut couverte de paysans. La musette et le tambourin furent placés, à la demande de Claire, à l'ombre de ses acacias chéris, sur le bord du lac. Les sons joyeux de la musique se firent entendre. Adeline ouvrit la danse, et les montagnes ne répétèrent plus que les cris de la gaieté et des sons harmonieux. Le vénérable la Lugue était assis au milieu des vieillards, et en regardant cette scène, ses enfants et ses paroissiens ainsi rassemblés et formant une grande famille, des larmes fréquentes coulaient le long de ses joues, et il éprouvait les sensations les plus délicieuses. Tous les cœurs étaient tellement portés à la joie que le jour commençait à éclairer la scène de la fête lorsque chaque villageois retourna chez lui en bénissant la bienveillance de la Lugue. Après avoir passé quelques semaines avec la Lugue, M. Verneuil acheta un château dans le village de Leloncourt, et comme c'était le seul qu'il y eut à vendre, Théodore chercha une habitation dans le voisinage. Il acheta une maison de campagne à quelques lieues de distance sur les bords enchanteurs du lac de Genève où ses eaux forment une petite baie. Là, méprisant la pompe du faux bonheur et jouissant des délices d'un amour épuré par la plus tendre amitié, environné par des amis qui leur étaient si chers et visité par une compagnie choisie et éclairée, là, au sein de la félicité, vivaient Théodore et Adeline la Lugue. La passion de Louis Lamothe céda enfin au pouvoir de l'absence et de la nécessité. Il aimait toujours Adeline, mais c'était avec la tendresse paisible de l'amitié. Et lorsqu'il se rendit aux pressantes invitations de Théodore, il vit leur bonheur avec une satisfaction pure et qui n'avait aucune teinte d'envie. Il épousa ensuite une dame de Genève, fort riche. Et ayant résigné sa commission au service de France, il s'établit sur les bords du lac et augmenta les plaisirs de la société d'Aline et de Théodore. Leur vie passée offrit un exemple d'épreuves bien dures et leur vie présente un modèle de vertu grandement récompensé. Et ils continuèrent de mériter cette récompense, car leur bonheur ne se bornait pas à eux seuls, mais ils le faisaient sentir à tous les individus qui vivaient dans la sphère de leur influence. L'indigent et l'infortuné avaient à se louer de leur bienveillance, l'homme vertueux et éclairé de leur amitié, et leurs enfants d'avoir des parents dont l'exemple imprimait dans leur cœur les préceptes qu'ils offraient à leur esprit. Ainsi s'achève La forêt ou l'abbaye de Saint-Clair par Anne Radcliffe.